Quatrième chapitre. Créer les rythmes de base. Voici une façon facile de créer un rythme en répétant des séries de syllabes. Essayons trois fois de suite avec dit, j'ai, ri, dou. Rajouter une autre syllabe au rythme de base changera toujours votre ressenti musical. En ajoutant da devant dou, nous obtenons dit, j'ai, ri, da, dou. Essayez ceci trois fois. Rajoutons maintenant un autre « da » au rythme précédent. Et mettons-le au début. Cela donnera alors « da digeri, da dou ». Essayez trois fois. Comme vous pouvez le constater, l'utilisation de quatre syllabes peuvent demander beaucoup de pratique avant d'être en fusion avec le rythme. Mais que se passera-t-il si nous mélangeons les syllabes de didgeridoo autrement? Par exemple, en ri, didgeridoo. Essayons différentes combinaisons. Ri, didgeridoo, ri, didgeridoo, ri, didgeridoo. Ri, didgeridoo. Do re digi, do re digi, do re digi. Do re digi, do re digi, do re digi. Re do re digi, re do re digi, re do re digi. Re do re digi, re do re digi, re do re digi. Bien, c'est excellent jusqu'à maintenant. Et si nous regardions maintenant ce qu'il se passe lorsque nous doublons certaines syllabes? Essayons celle-ci. Didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Do do didger didger do do didger didger do do didger didger. Do do didger didger do do didger didger do do didger didger. Re didgy do do re didgy do do re didgy do do. Re didger do do re didger do do re didger do. Ensuite, nous pouvons coller ensemble deux rythmes pratiqués précédemment. Cela nous donnera une plus longue phrase à prononcer. Ceci sera plus facile sur un seul expire. Essayez ceci. Didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo. Da didgeridoo, re didgeridoo, da didgeridoo, re didgeridoo. Da didgeridoo, re didgeridoo, da didgeridoo, re didgeridoo, da didgeridoo, re didgeridoo. Re do we didg didgeridoo, re do. Re do we didge didgeri re do. Re do we did didgeri re do. Re do we did didgeri re do. Re do we did didgeri re do. Da didgeri da do. Da didgeri da didgeri da didgeri da do. Da didgeri da didgeri. The diggery, the do, the diggery, the diggery, the diggery. didgeridoo, didgeridoo, didgeridoo.